sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h si vous avez manqué le début. Cette semaine, l'école républicaine au péril des inégalités, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a ce douloureux mois de septembre où l'on retrouve encore parfois du sable au fond de ses poches ou dans les ourlets des pantalons, pris entre la nostalgie de l'été et les résolutions de la rentrée. Ça sent les cahiers neufs, les soirées à couvrir les livres et les marronniers. Mais il y a surtout une devise, gravée sur le fronton des écoles et qui semble souvent perdre de son sens. Alors pour commencer, les personnages. Deux chercheurs qui scrutent l'école, des ministres qui bricolent, des élèves devenus coupables, des experts autoproclamés, une mère d'élèves militante, une ancienne ministre amère et lucide, un ministre qui a gardé son humour, une prof résignée, un journaliste pas encore trop pessimiste et une proviseure qui n'a pas les réponses. Ensuite, le décor. Un collège unique, un rêve brisé, des fossés qui se creusent, la recherche d'inégalités justes, des queues de classement, le souvenir de Jules Ferry, des vœux pieux, des symboles et des grands mots, l'orthographe, le latin et l'éducation civique, des rapports qui finissent à la poubelle, l'idéologie de la bienveillance, pédagogue contre républicain, sans manière de définir la réussite, un élitisme chevillé au corps et une école comme une église. Aujourd'hui, premier épisode, on écoute les archives à remonter le temps. Jusqu'à la Ve République, le collège est réservé aux enfants des milieux favorisés. Eux seuls poursuivront le lycée et des études supérieures. Les enfants d'origine populaire ne connaissent que l'école primaire qui s'achève, pour les meilleurs, par le collège d'enseignement général qui mène au brevet, mais la grande majorité s'arrête au certificat d'études. C'est le général de Gaulle qui amorce la démocratisation du système. En 1959, il impose l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. En 1963, la réforme Fouché crée le CES, le collège d'enseignement secondaire, qui rassemble sous un même toit l'ensemble des élèves de la 6e à la 3e. Les bons élèves sont en filière 1, la filière noble, avec un programme classique et des professeurs agrégés. Les moyens et les faibles, en filière 2 et 3, avec des programmes adaptés et des instituteurs certifiés. Début des années 70, intellectuels et parents d'élèves dénoncent le système. L'idée d'égalité des chances, chère à la gauche, est reprise par un président de droite. En 1977, Valéry Giscard d'Estaing lance ce qu'on appellera la réforme Habi, le collège unique. Voici Paul, voici Jean. Ils sont amis, inséparables, et pourtant jusqu'à présent, ils risquaient d'être séparés à leur entrée en 6e. Paul gardait toutes ses chances en 6e 1 ou 6e 2. Jean était bloqué dans son choix en 6e 3. C'était grave pour l'amitié, grave pour la réussite. À 11 ans, le sort était joué. Ça, la réforme n'en veut plus. Il n'y aura plus de filière d'entrée en 6e. Les mêmes classes pour tous, les mêmes programmes pour tous. Quand l'école républicaine fabrique les inégalités sociales, l'impossible réforme. Par Alain Lefkovitch et Vincent Deck. Avec la mise en place de la réforme Habi, tous les enfants, après l'école primaire, iront au collège. 4 années d'études et le même enseignement pour tous. Ces 4 années sont organisées en 2 cycles de 2 ans chacun. Lorsqu'en 1975, le ministre de l'Éducation nationale, René Habi, présentait sa réforme éponyme pour une école plus juste, sans doute ne se doutait-il pas que plus de 40 ans après, on chercherait encore et toujours l'école parfaite pour le meilleur des mondes. L'école française peut-elle être égalitaire? C'est en tout cas ce que tout le monde voudrait qu'elle soit. Sauf que les rapports qui lui sont consacrés depuis la massification de l'enseignement des années 1960 nous révèlent une toute autre réalité. Pilier symbolique de notre modèle républicain, l'école ne saurait avoir de couleur politique. Pourtant, loin de vivre à son rythme, elle est depuis contrainte autant de la droite et de la gauche, chaque ministre voulant faire mieux que son prédécesseur et laisser son nom à la postérité, s'arrogeant le titre de spécialiste de l'école qui détiendrait plus que les autres la bonne solution pour faire fonctionner à plein régime ce formidable ascenseur social. Alors on ne lésine pas sur la communication, au point que l'école est devenue un marronnier de journalistes et l'objet d'un éternel débat sur sa capacité à reproduire les inégalités sociales. Un constat que les deux grands spécialistes français de l'éducation, François Dubé et Philippe Mérieux, ne cessent d'analyser et d'expliquer. Oui, alors il faut d'abord être un peu nuancé, parce que l'école reproduit les inégalités sociales, c'est-à-dire que les performances scolaires des enfants sont liées à leur origine sociale. En même temps, dans la massification scolaire, dans la longue période de massification, je dirais entre les années 60 et 90, grosso modo, ça, les inégalités ont été reproduites, mais tout le monde est monté. Alors, c'est une grosse déception parce que, pendant très longtemps, les inégalités scolaires étaient liées aux inégalités d'accès. C'est-à-dire que, au fond, il y avait l'école pour le peuple, puis l'école pour les bourgeois. Donc, les inégalités scolaires étaient dans l'ordre des choses, d'une certaine façon. Et dans le grand récit républicain français, qu'on appelait l'élitisme républicain, quand quelques enfants d'origine modeste étaient très bons à l'école, on les poussait, ils montaient, ils devenaient instituteurs généralement ou professeurs. Mais l'ascenseur social montait beaucoup, mais peu de gens l'empruntaient. À partir des années 60, on change complètement de modèle et on dit maintenant tout le monde va pouvoir aller à l'école et tout le monde sera sélectionné en fonction de ses compétences. Et donc on va rentrer dans un monde de... Au fond, les inégalités scolaires seront justes d'une certaine façon, puisque c'est simplement le talent, le mérite. Qu'est-ce qu'on observe très vite en France, Bourdieu ? La massification n'a rien changé. Tout le monde rentre, mais les inégalités restent, grosso modo, ce qu'elles étaient. Et elles sont beaucoup plus mal vécues qu'avant, puisque maintenant, on a tous le droit de réussir, puisqu'on entre tous au lycée. Et en réalité, ça reste très inégalitaire. Alors qu'autrefois... C'est très étrange. Comme on n'avait pas le droit de réussir, au fond, les inégalités scolaires n'apparaissaient pas véritablement scandaleuses. Alors les explications, elles sont partout les mêmes. On n'a pas les mêmes ambitions, selon le milieu social. Et puis surtout, on sait qu'un enfant de classe moyenne qui rentre au CP maîtrise quelques milliers de mots de plus qu'un enfant de classe populaire. Bon, et que donc, ces petites inégalités de départ vont sans cesse s'accroître. Et donc, on a une formidable déception, alors surtout en France, parce que la France est le pays qui a pensé, la Troisième République, que l'école créerait des inégalités enfin justes. C'est ça, le grand modèle républicain. Les Américains ont pensé que c'est le capitalisme qui allait créer des inégalités justes. Vous êtes courageux, vous êtes entrepreneur... vous travaillez, vous allez réussir. Alors effectivement, la question de l'échec scolaire se pose depuis déjà un certain temps. Pas depuis très longtemps historiquement. Je crois que la première fois que la notion d'échec scolaire apparaît dans le vocabulaire et est utilisée, c'est dans les années 60. C'est-à-dire au moment où on prolonge la scolarité obligatoire à 16 ans et où il y a ce qu'on appelle l'explosion scolaire et où la France a une véritable ambition nouvelle pour tous ces jeunes parce que on est en plein boom économique et qu'il faut donner à tous les jeunes un bagage intellectuel et scolaire suffisant pour faire face aux métiers de la modernité. Et on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Alors pourquoi on n'y arrive pas ? Essentiellement parce que on a confondu la démocratisation de l'accès et la démocratisation de la réussite. C'est-à-dire qu'on a cru qu'en démocratisant l'accès, en ouvrant les portes, ça allait démocratiser la réussite. Or, cette démocratisation de l'accès sans changement des pratiques a produit un peu l'inverse. Et on pouvait leur dire, mais puisque on vous a laissé rentrer et que vous vous cassez la figure, c'est donc que c'est de votre faute. Autrement dit, cette démocratisation qu'on a faite et qu'il fallait faire a transformé des victimes en coupables. L'histoire du collège unique, elle est en France tragique. C'est qu'on a dit, le collège unique sera le cycle d'enseignement dans lequel iront tous, j'insiste bien, tous les élèves, jusqu'à 16 ans, mais le collège unique sera le premier cycle du lycée bourgeois. Les programmes, la pédagogie, les manières de noter, les profs agrégés, les profs capétiens, on vire les instits du collège, on y met les profs, les vrais profs de lycée. Et donc, on a créé quelque chose d'extraordinairement séduisant intellectuellement et invraisemblable pédagogiquement. On a dit, le modèle du lycée réservé à 20% des meilleurs élèves sera le modèle dans lequel rentreront tous les élèves de France, y compris les 20% qui ne savent pas lire. On a créé des classes de faibles et des classes de bons. où on faisait le tri. On a fait des classes européennes, des classes de latin, des classes techno. Et on a, dans le moule d'un collège unique, fabriqué des filières, des machins, des trucs de collège. Et je rappelle que dans les années 80, 10 ans après la création du collège unique, la moitié des élèves n'avaient pas le brevet. Les enseignants qui étaient dans ces collèges ont explosé en vol. Enfin, moi, j'ai m'étais fait nommer il y a bien longtemps prof de collège. C'est vrai que quand vous avez passé un CAPES de lettres et que vous arrivez en sixième, vous découvrez que le problème, c'est pas l'enseignement de la littérature, mais l'enseignement du français tel qu'il aurait dû être fait avant. Vous dites, on m'a trahi. Enfin, je veux dire, bon, les programmes très exigeants. Enfin, on a créé ce truc qui est l'excellence pour tous. Bon, c'est une formule formidable, sauf que c'est un oxymore, puisque c'est, par définition, c'est très très difficile. Si tout le monde est excellent, plus personne ne l'est. Donc on a créé cette espèce de truc intenable, et on a trouvé toutes les manière de faire, c'est-à-dire je mélange les élèves parce que les bons vont tirer les faibles, si je les sépare les faibles s'effondrent, si je les mets ensemble les bons vont souffrir mais les faibles vont monter un petit peu, enfin on a toujours essayé de bricoler en réalité ce qui s'est passé aussi c'est que dans les collèges de centre-ville on était au petit lycée et dans les collèges de banlieue on était on sait pas trop où, mais plus certainement pas dans le petit lycée, mais certainement plus dans la vieille classe de certificat d'études d'autrefois. Et depuis 20 ans, tous les ministres ont essayé de régler cette histoire. Donc on a toujours bricolé. Alors que dans un grand nombre d'autres pays, le collège, au fond, est considéré comme le prolongement de l'école élémentaire. Aucun élève dans d'autres pays ne passe de un instituteur unique en sixième à neuf instituteurs en CM2, à neuf enseignants en sixième. Il faudrait passer à trois ou quatre. Mais en même temps, vous avez des définitions de discipline qui fait que les syndicats enseignants le refusent massivement. 30 ans après les débuts de la massification et 20 ans après la définition bourdieusienne du capital culturel, les rapports PISA, comprendre programme international pour le suivi des acquis des élèves, viennent corroborer les travaux des chercheurs, de la jeune génération, comme celle de Julien Grenet de l'École d'économie de Paris, et de l'ancienne, de François Dubay. Le rapport PISA indique que la France, contrairement à une idée largement répandue, est un des pays les plus inégalitaires du monde et aussi un des pays où la ségrégation entre les établissements scolaires est la plus élevée du monde. Donc on se classe deuxième derrière Taïwan sur l'ensemble des pays testés dans PISA, c'est-à-dire environ 70 pays. Donc on voit bien que la dimension ségrégative du collège, elle a un lien avec cette reproduction des inégalités. Donc c'est dès ce niveau-là, dès l'âge de 10 ans, qu'il faut agir. Et on a les moyens d'agir parce que dans beaucoup de grandes villes, en réalité, on a concentré des populations défavorisées dans un petit nombre d'établissements. En les répartissant de façon plus homogène sur l'ensemble des établissements, on arrive, en fait, on ne change pas fondamentalement la donne dans ces collèges. Simplement, on permet à ces élèves de ne pas se retrouver parqués dans des ghettos où l'école leur envoie une image d'échec et de refus d'ambition scolaire pour ces élèves. L'arrivée des enquêtes PISA. C'est arrivé en France, les premières en 99. Nous avons découvert que l'écart entre les N% de bons, on va dire les 15% de meilleurs et les 15% de plus faibles, est beaucoup plus grand en France que dans d'autres pays. Donc, on s'est rendu compte que notre école était bien plus inégalitaire qu'elle devrait l'être, d'une certaine manière, qu'elle en rajoute une couche, dans un système qui est massivement public, qui a une croyance dans l'égalité théologique, religieuse, dans laquelle tous les enseignants sortent du même moule, les programmes nationaux, les examens nationaux, etc., etc. Puis au bout du compte, tout ça ne marche pas. Alors comment l'expliquer? Il y a moins de mixité scolaire probablement en France qu'ailleurs. La seconde explication, c'est qu'on a peut-être une école élémentaire qui n'est pas extrêmement efficace. On sait maintenant depuis 15 ans que, grosso modo, un élève sur 5 sort de l'école élémentaire en n'ayant pas complètement maîtrisé la lecture, ce qui est quand même très ennuyeux parce que ça veut dire qu'ensuite vous êtes condamné. Il y a probablement une troisième explication, alors que celle-là, elle est très très difficile à faire comprendre aux Français. On a toujours été persuadé que le rôle de l'école, c'était quand même fondamentalement de produire des élites. Parce que dans un pays qui a coupé la tête à l'aristocratie, l'obsession dès l'Empire, c'est de produire une élite de l'intelligence qui sauvera la société. Alors, tous les systèmes produisent des élites. Mais la caractéristique du système français, c'est que la production des élites détermine ou a longtemps déterminé la totalité du fonctionnement du système. Le modèle scolaire lui-même vise à produire des élites, y compris pour les gamins qui jamais... Aujourd'hui, c'est un peu moins, mais le programme, par exemple, je vais dire de sciences, il était fait pour un élève dont tu supposerais qu'il deviendrait agrégé de physique. Et ensuite, on déclinait en terminale, première, seconde, etc. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 30 ans? Ben, on a bricolé, on a triché. C'est de la rentrée des classes pour le ministre de l'Éducation, M. Chevènement, avec un souci prioritaire pour M. Chevènement, le nombre d'échecs scolaires. C'est la grande préoccupation de cette rentrée 1984. Il faut en effet savoir que près de 25% des élèves qui entrent en 6e savent à peine lire et écrire. Il y a trop d'enfants qui entrent au collège sans avoir complètement maîtrisé les langages fondamentaux que sont la Bonjour, langue à quelques jours de la rentrée scolaire, Lionel Jospin, le ministre de l'Éducation nationale, faisait aujourd'hui sa pré-rentrée devant les journalistes. Lionel Jospin fait le point sur le dispositif de lutte contre l'échec scolaire. Lionel Jospin se veut tout à fait rassurant pour cette rentrée scolaire. Si l'on considère les créations d'emplois, le volume des crédits d'équipement pédagogique, la mise en œuvre de la revalorisation de la fonction enseignante, les conditions objectives de préparation de cette rentrée font qu'elle devrait être meilleure que la précédente. Bonjour, l'école doit évoluer, l'éducation ne peut plus ressembler à celle de Jules Ferry. Voilà quelques réflexions de Claude Allègre, le nouveau ministre de l'Éducation, devant les journalistes. Et ce matin, le ministre en a dit un petit peu plus, notamment sur l'idée qu'il se fait de sa mission et du rôle de l'éducation nationale. Une administration qu'il compare parfois à un mammouth qu'il entend dégraisser et débureautiser. Cette école doit évoluer. Nous vivons tous dans l'idée de l'école de Jules Ferry. C'est-à-dire, l'école, on apprend... Et puis la vie, on applique. Naturellement, cette vision est une vision périmée. Par conséquent, quel est le... Près de 80 ministres et secrétaires d'État se sont succédés rue de Grenelle sous la Ve République, avec tous plus ou moins le même vœu pieux incantatoire et le désir d'une école juste pour les enfants. Pourtant, rien ne semble avoir véritablement changé depuis 60 ans. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale d'août 2014 à mai 2017, en sait quelque chose. C'est évidemment vers une démocratisation de l'enseignement qu'il fallait aller pour élever le niveau de qualification générale de la population. Mais si vous regardez les faits, vous vous rendez compte qu'elle n'a pas été appliquée en fait. Et ce qui s'est passé à travers le temps, on l'a vu, c'est que très vite, malgré l'unicité du collège, se sont recréés au sein même de ce collège des sortes de filières. Et se sont créées des options, des filières qui, ont fait de ce collège à nouveau un collège à double vitesse. En fait, les enfants qu'on y accueille n'ont pas le même destin, et ça, c'est inscrit, dès leur classe de 6e. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui pose problème depuis des décennies. C'est ce à quoi les différents ministres de l'Éducation ont tenté de s'attaquer à chaque fois. Ce qui se passe, c'est que d'abord... L'éducation est un sujet ultra passionnel. C'est qu'au fond, chacun considère avoir une expertise sur l'école. On estime savoir ce qui est le mieux, y compris parfois à la place des vrais professionnels auxquels on ne donne pas forcément suffisamment la parole. Ça, c'est un vrai sujet. Et moi, je l'ai vraiment vécu au moment des débats sur la réforme du collège. C'était quand même impressionnant. Vous aviez quantité d'experts, de scientifiques, de gens qui avaient travaillé sur ce sujet et qui pouvaient vous dire quelles sont les failles de l'école, pourquoi il y a un problème au collège, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi la pluridisciplinarité est importante, pourquoi travailler en groupe est essentiel, etc. Eh bien, ces gens-là, c'est à peine si on les entendait dans le brouhaha public. Le plus grand historien qui a travaillé des années et des années sur le sujet de l'éducation, ben ça a le même poids que ce que vous dira tel signataire de tribune dans la presse. On a plus entendu Alain Finkielkraut, Pascal Bruckner, Michel Onfray, que les experts de l'école. Non mais c'est quand même invraisemblable quand on y pense. Voilà, c'est dans ce flou, ce brouillard généralisé qu'on demande à l'opinion publique de se faire un avis sur les réformes en cours et sur les besoins de l'école. C'est pas possible. Mais tous ces autres qui n'ont que l'école et que quelques conservateurs, à coup de tribunes dans la presse, etc., ils disent à ces classes populaires, croyez-nous, le mieux pour vos enfants, c'est que l'école reste telle qu'elle est. L'école telle qu'elle est favorise les enfants des classes les plus aisées, malheureusement. Je n'ai rien contre les enfants des classes aisées, tant mieux, mais elle les surdétermine à performer à la fin face à des enfants de classe populaire qui n'ont aucun de ces codes. Comment faire une Grenelle pour justement faire fi de ce que pense l'opinion publique, les médias dont vous parliez tout à l'heure, où effectivement un certain nombre de gens, d'experts autoproclamés s'expriment. Comment on fait ? Moi je pense qu'il y a au moins une chose qu'on devrait pouvoir faire, c'est réussir à s'entendre, j'allais dire, au-delà des partis, etc. À chaque fois qu'une réforme est conduite, laissons-lui 5 ans avec une évaluation scientifique à la clé. Et du coup, ça permet aussi peut-être de revoir un certain nombre de ces idées préconçues, etc. Alors Liliana Moyano, en tant que présidente de la FCPE, moi j'ai une question à vous poser. Hein. Pourquoi on n'y arrive pas finalement ? Un premier élément de réponse ou d'analyse, qui est celui de la FCPE et le mien également, c'est... Je pense qu'en France, on est vraiment enfermé dans ce que tu pourrais appeler une maladie française, qui est celle d'être dans une approche à très court terme concernant les questions de l'école. Les pays qui ont réfléchi à leur système éducatif et qui ont réussi à l'améliorer, c'est des pays qui se sont dit, voilà, ça c'est la question fondamentale de notre société, et il faut que tous ensemble... On travaille, on se met d'accord autour de quelle école nous voulons pour faire réussir les enfants et les jeunes. Et donc, le mettre à part de tout enjeu politique, de tout enjeu d'alternance. Moi, je pense qu'il y a là, véritablement, le vrai problème en France, c'est-à-dire l'école est toujours victime de ces alternances. Donc on assiste là à une fatigue profonde des enseignants, des équipes, des enfants également, parce qu'on est dans une permanente reconstruction. On avance, on revient, on ressort des choses que quelques années avant on avait dit qu'ils ne marchaient pas et on les remet, etc. Après, on pourrait parler aussi d'un système éducatif quand même qui est beaucoup basé sur la réussite d'une certaine élite. Un pays qui va bien, c'est un pays qui fait réussir l'ensemble de ses enfants et de ses jeunes, quelle qu'elle soit leur origine et leur situation sociale. Et peut-être que là, effectivement, la France est enfermée dans cette logique plutôt de parler aux élites. Or, aujourd'hui, c'est organisé de telle manière que les moyens... Il faut savoir aujourd'hui, on concentre les moyens les plus importants dans les lycées, les plus, réputés. On doit interroger cette fabrication d'élites et des filières comme la France l'a construit jusqu'à maintenant. Et je pense qu'effectivement, la société tout entière doit s'interroger sur son envie ou pas d'inclusion et de réussite de tous. Sinon, la fracture et le coût social et économique d'un pays qui se divise, qui se clive à ce point-là est extrêmement dangereux et important. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de réforme Bayrou ? Il n'y a pas de réforme Bayrou. Je trouve d'ailleurs qu'il faut qu'on arrête, chaque fois qu'il y a une alternance politique, de tout changer à l'école. En revanche, il ne faut pas se résigner à ne rien changer. Il est très important que tout ce qui va mal soit, au fur et à mesure, remplacé par des dispositions de bon sens, raisonnables, et qui fassent que les choses aillent mieux. François Bayrou, ça représentait quoi l'école pour vous, dans votre famille, quand vous étiez petit, c'était quoi l'école ? Pour ma famille, c'était une religion. Pour moi, c'était assez différent. J'étais uniquement dans les livres. Et donc, je ne faisais pas mes devoirs. Alors, vous ne faisiez jamais vos devoirs. quand vous êtes arrivé au ministère de l'Éducation nationale, vous avez proposé cette réforme, justement, qu'il n'y ait plus de devoirs à la maison, que ce soit des devoirs accompagnés à l'école. Je suis content que quelqu'un s'en souvienne, parce qu'on est en train de la réinventer. Voilà, là. C'est ce que j'allais dire. On est en train de réinventer l'eau chaude, une fois de plus. J'avais compté un jour, en mourant de rire, le nombre de fois où des ministres de l'Éducation nationale ont dit « on va réintroduire l'éducation civique ». Je sais pas, ça a dû être fait 30 fois. Y compris par moi, j'ai dû le dire 4 ou 5 fois. Et l'éducation civique a jamais quitté les programmes scolaires. Mais c'est comme ça. C'est un monde de fantasmes où le symbolique, où le symbole joue un rôle clé. Pour moi, l'essentiel, c'était le rétablissement des fondamentaux à l'école primaire, la lecture, la réconciliation de l'école avec les grandes œuvres pour transmettre des connaissances, former des citoyens. Et j'ai rétabli à ce titre l'éducation civique, enfin, je le note au passage. Atavisme de ministre de l'Éducation nationale. On prend les rapports commandés par le prédécesseur et on les range dans un tiroir sans fond avant d'en commander d'autres soi-même. Jean-Pierre Chevènement n'a pas dérogé à la règle quand il était aux affaires scolaires de 1984 à 1986. Quand j'ai été appelé au ministère de l'Éducation nationale, j'ai dû mettre dans un tiroir tous les rapports qui avaient été demandés à un certain nombre de grands prêtres des pédagogies constructivistes. Le rapport Legrand au collège, le rapport de Peretti concernant la formation des maîtres. Prenons cet exemple. Le rapport de Peretti, qui date de 1982, préconisait que les maîtres fussent formés à partir de leur qualité pédagogique, c'est-à-dire qu'on ne leur demandait pas d'abord de maîtriser une matière, on leur demandait de maîtriser le contact qu'il avait avec l'élève. Pour moi, c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc, ces rapports, je les ai mis au tiroir, mais ils sont ressortis. Donc, un certain relâchement s'est produit avec la vogue des pédagogies constructivistes, et on a abouti à une certaine dégradation du niveau scolaire. Mais c'est l'effet d'un changement d'orientation politique. Mes programmes ont été revus, on leur a substitué des circulaires, des centaines de pages, que d'ailleurs je doute que les enseignants les lisent vraiment. On a ensuite confié ça à une commission nationale des programmes composée de gens qu'on ne connaît pas, donc la responsabilité s'est un petit peu diluée, et le ministre finalement n'a pas perdu ce rôle de pilotage qui est essentiel. On nous a enlevé à nous les professeurs des moyens d'assurer une discipline minimum au lycée pour pouvoir fonctionner en fait. Dans les années 80, on nous a dit l'enfant est au centre de l'apprentissage. On disait il faut être compréhensif, les élèves c'est pas de leur faute, c'est leur famille. Prenons en compte les origines des élèves. Et du coup, ce qui nous rassemble à l'école disparaît un peu sur ce qui nous différencie. Je pense que c'est à cette époque qu'on n'avait plus le droit de mettre de zéro. On nous a dit non, pas de zéro. On devait faire attention dans nos appréciations. C'est l'idéologie de la bienveillance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on nous disait d'être bienveillant. Et on a commencé à materner les élèves, à abolir le mot effort, travail. Par exemple, en langue, j'ai une inspectrice un jour qui m'a dit c'est pas la peine de leur expliquer comment fonctionne la langue. Parce que, peut-être qu'on était dans le 93, c'est aussi à cette époque qu'on nous a interdit de faire de la grammaire. On nous a dit de rester très peu de temps sur les textes, ça ennuyait les élèves. Il fallait ne pas ennuyer les élèves. On est obligé de laisser les élèves qui vont miraculeusement... faire un cours sur un document iconographique ou un texte. La transmission, c'est un mot qu'on n'entend plus du tout. La transmission d'un savoir. François Dubé, qu'est-ce qui se passe en France ? C'est quoi ? C'est la guerre de 100 ans entre, d'un côté, les républicains, comme on dit, et de l'autre, les pédagogues ? C'est quoi ? Vous avez une querelle qui est franco-française et qui a opposé les pédagogues aux Républicains. Alors qu'est-ce que c'est cette querelle qui est incompréhensible? Les Républicains disent, ça marchait autrefois, revenons à l'école d'autrefois, c'est-à-dire centrée sur le maître, centrée sur les savoirs, et cette école qui n'a que des élèves. La question qu'ils laissent de côté, ils disent pas ce qu'ils vont faire des élèves qui n'auront pas leur place. Et puis vous avez de l'autre côté tout un ensemble de pédagogues dont Mérieux est devenu le symbole un peu malgré lui, des gens qui disent il faut changer la pédagogie, les élèves ne s'intéressent pas, il faut que l'école soit l'endroit dans lequel on apprenne en faisant des expériences et en se mobilisant. Alors que dans l'école républicaine française, on apprend en écoutant le maître. Voilà, la dualité. En réalité, évidemment, les enseignants sont et républicains et pédagogues. Mais il n'empêche que cette querelle, qui maintenant dure depuis plus de 20 ans quand même, cette querelle, elle montre une chose, c'est qu'on ne parvient pas à produire un modèle éducatif. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis Emmanuel Davidenko, je vais vous accompagner cet après-midi comme au cours de précédentes après-midi lors de cette journée du refus de l'échec scolaire, une journée pas tout à fait comme les autres, c'est la 10e. Elle devait être introduite par Jean-Michel Blanquer, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui était appelé à accompagner Emmanuel Macron à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Il ne faut y voir aucune signification particulière, si ce n'est celle d'un emploi du temps chargé, si j'ai bien compris. Emmanuel Davidenkoff, vous êtes journaliste spécialisé dans l'éducation. Alors, 10e journée contre l'échec scolaire, 10 ans déjà, on raconte quoi 10 ans après? La même chose? On a des ministres hors sol, incapables de régler finalement cette question de l'échec scolaire? Pour essayer de faire bouger un petit peu le système, un ministre de l'Éducation nationale, c'est aussi le premier employeur de France, c'est aussi une sorte de super DRH d'un million de personnes. Et alors certes, il a charge d'âme, il y a 12 millions d'élèves qui vont à l'école tous les jours, mais il a aussi charge de ses troupes. Et on ne peut rien faire changer de significatif à l'éducation nationale si on n'agit pas sur ce qui se passe dans les établissements et ce qui se passe dans les salles de classe. Il y a un chercheur de Stanford qui a une phrase, alors qui sonne mieux en anglais, mais je vais vous la faire en français, qui consiste à dire que une fois franchi le seuil de la salle de classe, le décideur politique, le decision maker, comme ils disent, c'est l'enseignant, c'est plus le ministre. C'est-à-dire que tout acte pédagogique est un acte politique, il sera mis en œuvre par un enseignant, il ne sera pas mis en œuvre par le ministre. Et donc si vous n'avez pas suffisamment, pas d'homogénéité, mais d'harmonie entre le projet politique et la façon dont il va s'exprimer pédagogiquement dans les classes, vous pouvez faire plein de discours, mais concrètement, ça ne change à rien. Je vais vous donner à chacun 5 minutes et 2 questions. En 10 ans, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi réussir? Est-ce que c'est préparer des enfants à survivre dans une jungle hyper compétitive et ultralibérale? Est-ce que c'est, je caricature, hein, mais est-ce que c'est de les préparer à être dans l'empathie, la coopération, sans être noté et pour réaliser une société plus égalitaire? C'est quoi la réussite, à la fois individuellement et collectivement? Et je crois que si on continue, au bout de 10 ans, à avoir des journées du refus de l'échec scolaire, c'est au moins autant parce qu'on n'a pas su définir collectivement ce qu'était la réussite que parce qu'on n'arrive pas à lutter contre l'échec. Vous savez qu'aussi bien des enseignants que des chefs d'établissement qui réussissent avec des publics qui sont des publics dont la sociologie nous dit qu'ils vont plutôt échouer, nombreux vous disent en fait le vrai déclic, c'est quand les gens imaginent qu'il y a un lendemain et que ce lendemain peut être souriant, ou à défaut d'être souriant, qu'il n'est pas forcément catastrophique. Et ils vous disent c'est ça qui met les élèves au travail, c'est de se dire quand même que demain ça vaut le coup. C'est pas de faire 8 tonnes d'aide aux devoirs, ou même si c'est important d'aider à faire les devoirs, mais c'est surtout ça, c'est cette capacité, cette projection possible. Moi, ça fait 27 ans que j'écris, soit sur l'enseignement supérieur, soit sur l'éducation, soit sur les deux. Je me suis toujours dit que j'arrêterais définitivement le jour où je serais trop pessimiste, parce qu'on peut pas. Il faut quand même croire un tout petit peu à la possibilité qu'il y ait des solutions, et il y en a, il y a des gens qui les mettent en œuvre. La question est en partie politique et en partie de sortir de ces débats politiquement, mais l'essentiel de la question, c'est partager tout cela avec ceux qui font l'école tous les jours, c'est-à-dire les enseignants et les personnels de l'éducation. Il faut créer, une sorte de consensus, pas mou, un consensus positif, une dynamique, de sorte à ce que dans les établissements scolaires, les enseignants notamment, les personnels d'éducation, soient suffisamment à jour et suffisamment armés, et ne soient pas seuls quand ils sont confrontés à ces problématiques-là, et qu'ils puissent être sûrs d'eux-mêmes. Donc, je pense qu'il faut conforter les personnels d'éducation, et que pour cela, les moments, les temps hors la classe, voire hors l'établissement, qui permettent ce travail de réflexion et d'approfondissement, sont tragiquement insuffisants en France. un point fondamental, ça serait de que on puisse avoir une vision globale du développement de l'enfant et de ce qui se fait ailleurs, parce que ce qu'on note souvent, c'est que au lycée, on dit ah oui, mais en fait les élèves qui arrivent, ils sont vraiment pas au niveau parce que le travail n'a pas été fait au collège. Au collège, on dit ah mais oui, alors là ça va pas du tout, je sais pas ce qu'ils ont appris à l'école élémentaire. À l'école élémentaire, on va dire ah bah oui, mais en maternelle, ils ont été mal préparés au CP. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose à créer sur la continuité pour que chacun aussi soit à sa place, c'est-à-dire que à la maternelle, on n'a pas besoin en moyenne section d'apprendre aux enfants à lire. Et je pense que si chacun était à sa place avec des objectifs clairs et précis, ça soulagerait tout le monde et on pourrait aussi mettre moins de pression sur l'enfant. Donner la confiance à l'enfant, lui faire confiance pour qu'il développe l'estime de lui-même, et c'est par là que tout enfant peut parvenir à l'apprentissage. Et on devrait plus faire appel aux gens de terrain en leur laissant le temps justement de se rencontrer aussi, parce que je pense que réfléchir sur les programmes, etc., c'est bien, mais il y a tout un tas d'initiatives sur le terrain, de bonnes pratiques qui pourraient redonner du dynamisme et de la joie, parce qu'en fait, quand on parle de l'enseignement, on parle des programmes, on parle de l'institution, on parle de tout ça, mais en fait, pour être au contact des enfants, il faut savoir préserver sa joie d'être avec eux, c'est la chose la plus fondamentale à leur transmettre. Donc pour garder cette joie, de mon point de vue, il faut avoir des espaces de parole, avoir des espaces de rencontre et avoir une grande liberté pédagogique. D'être quand même son chef d'entreprise dans sa classe avec ses élèves et de pouvoir modeler et structurer les apprentissages en choisissant justement les supports qu'on aime et qu'on va pouvoir transmettre avec bonheur. Les enseignants qui font un vrai travail auprès des familles, les enseignants qui font un vrai travail contre les inégalités en se formant, en militant dans des mouvements pédagogiques, loin d'être honorés, mais alors reconnus au moins par le système, sont en général mis en difficulté. Si vous êtes un innovateur qui cherchait à mobiliser des élèves un peu en difficulté, à contacter les parents de ces élèves, à faire des activités qui vont leur permettre d'accéder à un haut niveau de culture, on va venir vous chercher des poux dans la tonsure. On va vous dire « Attention monsieur, vous n'avez pas 100% de réussite, vous !» Mais comme vous êtes un innovateur, vous devez avoir 100% de réussite. On a une institution qui n'a pas, me semble-t-il, suffisamment encouragé ceux qui luttaient vraiment contre l'injustice sociale et qui les a même, dans certains cas, un peu désignés du doigt comme des empêcheurs de tourner en rond, alors que c'était eux qui portaient une transformation de l'école publique capable de permettre à chaque élève, quelle que soit son origine sociale, de réussir dans ses apprentissages fondamentaux. C'est une école, l'école républicaine, qui avait un projet moral, qui avait une conception du sujet que l'école devait fabriquer. Un citoyen éclairé, discipliné, c'était une école qu'on ne supporterait plus aujourd'hui, autoritaire, séparant la société de l'école, enfin... Bon, mais il n'empêche, une école qui avait un projet. Et c'est ça d'ailleurs dont les gens ont la nostalgie souvent. Je veux dire, la culture scolaire dont on parle nostalgiquement, elle avait une certaine capacité de séduction sur les enfants, parce qu'il n'y avait pas d'autre culture. Aujourd'hui, quand vous prenez n'importe quel adolescent, il vous dit que la culture scolaire, c'est quoi ? C'est un truc qui est fait pour être sélectionné. Parce que là, parce qu'en réalité, il vit avec sur des écrans, des machins, des trucs, il accède... son accès au monde n'est plus complètement déterminé par l'école. Moi, j'ai fait des enquêtes qui m'ont beaucoup troublé parce qu'elles montraient que les bons élèves ne s'intéressaient pas plus à l'école que les pas bons. Ils disaient, moi, je sais comment ça marche, je sais comment avoir de bonnes notes, mais au fond, ce qui m'intéresse, c'est pas à l'école. Donc, aujourd'hui, enfin, je vais être excessif, mais si l'école n'a pas de projet éducatif, pourquoi avoir une école publique ? Si l'école, ça n'est qu'un endroit où on va chercher des qualifications pour trouver du boulot, peut-être que des entreprises privées feraient ça pas plus mal. Je dis ça, je le veux pas, mais pourquoi pas ? pourquoi pas. Après tout, il y a eu des tentatives là-dessus qui n'ont pas marché, heureusement, où on donnait aux parents ce qu'on appelle des vouchers, c'est-à-dire des chèques. Et on disait, vous choisissez l'école qui vous va. Aujourd'hui, quand même, l'opinion publique ne voit pas d'un très bon œil l'effort que font les politiques, timides certes, mais un peu quand même, en faveur de la mixité sociale dans les établissements. Le public n'est pas forcément favorable à ce qu'on rééquilibre les dotations vers les établissements de banlieue plutôt que vers les établissements prestigieux de centre-ville. L'opinion publique qui se fait entendre, c'est une opinion publique qui considère au fond que l'égalité des chances, ça suffit. Et je pense qu'on n'est pas sorti de cette idée d'égalité des chances. Pour moi, l'égalité des chances, c'est une imposture. Je dis parfois, il y a la Française des Jeux pour ça, l'égalité des chances. Hein. Pour moi, l'important dans une démocratie, c'est pas l'égalité des chances. Ce qui est important et ce qui me semble devoir être dans l'œil des politiques, la ligne d'horizon des politiques, c'est l'égalité du droit à l'éducation pour tous. Et à une éducation qui permette la maîtrise de la langue, orale et écrite, la maîtrise statistique minimale pour pas se faire avoir par des informations tronquées, la capacité à rechercher de la documentation pour pas tomber dans n'importe quelle théorie du complot, etc., etc. Il y a un droit à l'éducation. Notre Constitution, les conventions internationales qu'on a signées, donnent à chaque enfant français un droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, c'est pas l'égalité des chances, c'est bien plus que ça. Un pays se grandit par le traitement qu'il réserve à ses plus fragiles, à ses plus éloignés, à ceux qui sont les plus menacés d'exclusion. Or, dans l'opinion publique en général, quand on parle de s'occuper en priorité de ces jeunes-là, on craint que ça fasse baisser le niveau. Voilà. Je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'au contraire, on a besoin d'un effort éducatif. Et je dirais, cet effort éducatif doit concerner évidemment l'école, mais il doit concerner plus globalement la société tout entière. Ce qu'il faut comprendre, enfin moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans l'école, c'est le poids des enjeux symboliques. C'est vraiment... au fond... quand vous êtes dans un monde où il n'y a que des enjeux matériels, pragmatiques, vous êtes dans un monde du bargaining, du marchandage, vous pouvez dire, allez, on discute, on fait un compromis. Mais quand vous avez des enjeux symboliques, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Les symboles, ça ne se négocie pas. Par exemple, il y a des enjeux symboliques autour des classes prépa, ce qui sont très frappants. Je veux dire, le système des classes prépa est quand même incroyable. Vous prenez les meilleurs élèves, vous les mettez à l'écart de l'université, dans des classes extrêmement sélectives, avec des profs extrêmement compétents qui ne font que ça, nettement mieux payés que leurs collègues avec très peu de trucs, etc. Vous pourrez dire, écoutez, quand même, c'est pas raisonnable de fabriquer des élites comme ça, d'autant plus que c'est pas les meilleures élites du monde. Mais si vous faites ça, je vous garantis, si vous dites « je touche aux classes prépa », vous avez un tollé général, parce que c'est tout l'imaginaire des élites françaises, de l'élitisme national, de l'idée que c'est pas l'argent qui sélectionne, mais c'est le travail. Quand on s'interroge sur pourquoi, à la fois en France, on a et une conscience assez vive des problèmes scolaires et une certaine difficulté d'agir, il faut comprendre... ce rapport très, très étrange que nous avons à l'école. Et qui crée d'ailleurs une hypocrisie scolaire, moi, qui me fascine. N'importe quel repas entre amis commencera par la dénonciation de l'école inégalitaire, c'est incroyable, c'est un scandale, etc. Et puis, au bout de 10 minutes, on parle des choses sérieuses, comment t'as fait pour mettre tes gosses dans tel endroit. Tout le monde fait ça, excepté ceux qui ne peuvent pas. La partie supérieure des classes populaires... investit le plus possible les dérogations scolaires, les établissements privés. Et je ne vois pas d'ailleurs comment on peut leur reprocher. On ne peut pas dire aux gens, vous vivez dans un quartier difficile dans lequel l'école est de mauvaise qualité, mais vous devez être républicain. Beaucoup plus d'ailleurs que les enseignantes qui ne mettent jamais leurs enfants dans les écoles où vous mettez les vôtres. Enfin, on est coincé. Ça ne peut aller qu'en empirant de ce point de vue-là. Catherine Vilter, vous êtes l'ancienne responsable FCPE du collège Lucie et Raymond Aubrac dans le 11e arrondissement de Paris. Un collège qui avait et qui a encore et toujours en quelque sorte une sorte d'image, de mauvaise image qui lui colle à la peau. Alors ça vient d'où ces mauvaises images qu'on colle à la peau de certains établissements, à l'école portée par quoi, par qui? C'est lié au problème de la mixité, de la peur des parents. De la peur, pourquoi? Parce qu'il y avait un mélange quand même d'enfants africains, arabes, chinois et français, avec peut-être très peu de français. Il fallait trouver un équilibre, et là j'étais concernée puisque j'étais présidente FCPE et j'étais confrontée à ça tous les jours. Il fallait trouver un équilibre et les parents disaient non, je veux pas qu'ils se retrouvent dans la classe avec... C'est une peur, on voit bien des parents... Quand on est pauvre, on est mauvais élève, ou quand on est d'origine africaine, on est forcément mauvais élève? Non, alors évidemment, c'est difficile la question. non, c'est une histoire de... Là, j'ai du mal à répondre. C'est pas facile. Je sais pas répondre, là, c'est... Je pense que chacun a son point de vue là-dessus, mais je vois par la suite, pour le lycée c'est pareil, alors les parents veulent le meilleur et disent qu'ils doivent aller dans tel et tel établissement, enfin bon, c'est un peu, c'est une suite sans fin quoi. François Dubé, quand on discute avec vous, quand on discute avec Philippe Mérieux, ou quand on discute avec les professeurs dans les collèges, les écoles primaires, les lycées, on a le sentiment que finalement l'avenir n'est pas totalement celui qu'on imaginait, c'est-à-dire un avenir radieux, c'est plutôt sombre comme avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est incapable en France de repenser ou de réformer le système éducatif? C'est mission impossible? Ce que je crois, c'est qu'en France... Grosso modo, politiquement, il y a eu une très grande faiblesse sur les systèmes éducatifs français. On pourrait donner comme exemple la ronde des ministres qui saute, on en met un autre, qui calme le jeu jusqu'au prochain, qui va sauter. La deuxième chose, c'est que changer l'école en France est un risque politique. Les universités qui se bloquent, les lycéens dans la rue, tout ça, c'est très très désagréable. Et je rappelle qu'en 86, quand... il y a eu la tentative de réforme de Vaquet, il y a eu des manifestations, il y a eu un mort qui s'appelait Malik Oussekine, et il y a un candidat à la présidence de la République qui s'appelait Jacques Chirac qui s'en est jamais remis. Donc ça calme. Ça se gère moins bien qu'une manif de postier quand même. Deuxième problème, je crois, le fait que le système est... C'est quand même un système co-géré. L'éducation nationale est un monde dans lequel des multitudes de corporations défendent leur position. Je ne veux pas dire que les enseignants sont par nature des conservateurs qui veulent rien changer, mais ils sont dans un système dans lequel tout changement est perçu comme un risque de déclassement de position. Je vais prendre un exemple très simple. Le ministre actuel a le projet de réformer le bac. Il veut ramener le bac à 4 épreuves nationales, et le reste en contrôle continu. Vous allez voir que toutes les disciplines sont prêtes à mourir pour rester dans le contrôle national, parce que c'est une chute de standing. Vous sortez un truc et vous n'êtes pas sûr que tout ne va pas vous sauter à la figure. Donc, il vaut mieux avoir une prudence de chat dans cette affaire. La troisième chose qui fait que c'est très difficile à réformer en France, c'est évidemment... que quand vous avez un système comme le système français qui est à la fois très reproductif et très inégalitaire, il ne faut pas imaginer que les catégories sociales qui bénéficient de ces inégalités et de ces reproductions vont quand même lâcher cet avantage décisif à leurs yeux. Donc, mettre en place des politiques plus justes, qui vont donc affaiblir le privilège relatif de ceux qui ont le monopole des grands lycées, des classes préparatoires, des grandes écoles, etc., ça vous fait un front du refus absolu. Et je prendrai comme exemple, qui m'a beaucoup impressionné, l'opposition à la réforme des collèges qui vient d'être mise à l'écart de Najat Vallaud-Belkacem. Les éditoriaux de Valeurs Actuelles et de l'UMA développaient les mêmes arguments. Tout le monde veut que ces gosses fassent les classes européennes. Enfin, vous mettez à mal les intérêts des classes moyennes supérieures au nom des intérêts des classes populaires, mais les classes populaires ne se mobilisent absolument jamais sur la question scolaire et ne vous rendront pas grâce d'avoir fait une réforme qui les avantage. Parce que c'est une question sur laquelle ils se mobilisent guère et sur laquelle ils se sentent illégitimes en plus. Moi, j'ai pas fait d'études, je peux pas parler de l'école. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre. Et puis, la quatrième raison, c'est le poids de l'imaginaire scolaire français républicain qui fait que, au fond, l'école en France, l'école républicaine a été faite pour se substituer à l'Église. Enfin. Et d'une certaine manière, elle est sacrée, on ne touche pas aux vaches sacrées. Il y a quelque chose de cet ordre. Enfin, si vous demandez à un Français de fermer les yeux et de vous décrire une école, il va décrire une école sur une place de village avec des marronniers, école de filles, école de garçons, école qu'il n'a jamais connue, mais dont il pense que c'est ça, la nation. L'école, en France, occupe une telle place dans notre imaginaire que d'une certaine façon, ça nous paralyse. Je pense que, effectivement, il y a des signes extrêmement préoccupants de fracture scolaire, d'accroissement des inégalités, de prolétarisation du corps enseignant, de management technico-administratif de l'école au détriment de ses finalités authentiques. Et tout ça, c'est très préoccupant. Il y a des signes aussi préoccupants dans la montée de l'individualisme qui fait que chaque parent ne veut plus simplement qu'on traite son enfant comme une personne, il veut qu'on le traite comme une exception. Donc il y a des problèmes qui sont des problèmes très lourds. Mais je trouve quelques signes qui me paraissent positifs. D'abord, ces problèmes qui ont longtemps été présents sans être regardés en face commencent à arriver à la conscience politique globale. Je pense aussi que les explosions sociales ou les déliaisons sociales sont tellement fortes qu'elles appellent un surcroît d'éducation. Et je ne crois pas possible qu'à terme, nos sociétés n'entendent pas la nécessité de cet effort éducatif collectif et concerté et volontariste. Moi, ce que je demande, c'est qu'on regarde mieux les initiatives de ces militants de l'éducation populaire, de ces militants pédagogiques, de ces gens qui font un travail avec les familles dans les quartiers. Moi, je pense que ces initiatives peuvent être le vivier d'un renouveau éducatif que j'appelle de mes voeux, mais dont je ne désespère pas, loin de là. En même temps, il y a 15 ans, les banlieues s'enflammaient. 15 ans après, on en est toujours là. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'il y a 15 ans, nous pensions que les banlieues s'enflammaient simplement parce qu'il y avait du chômage et des délinquants. Je pense que nous savons aujourd'hui que le malaise est beaucoup plus existentiel que ça. Et que si on ne touche pas à ce qui est existentiel, c'est-à-dire à ce qui pourrait donner du sens à la vie de ces jeunes, à ce qui pourrait leur donner confiance dans l'avenir, si on ne touche pas à ça, on va au casse-pipe. Puis ça, je crois qu'aujourd'hui, on le sait mieux qu'on ne le savait il y a 15 ans. L'école républicaine fabrique les inégalités sociales, l'impossible réforme. Avec François Dubé, Julien Grenet, Philippe Mérieux, Najat Vallaud-Belkacem, Liliana Moyano, Jean-Pierre Chevènement, Emmanuel David Enkoff, Françoise Inspector, Frédéric et Catherine Vilter. Merci à Timothée Bonny pour son aide précieuse et à Gwen Michel de l'INA. Quand l'école républicaine fabrique les inégalités sociales, réalisation Vincent Deck, attaché de production Marie-Vonne Abolivier, coordination Perrine Carvran, un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série documentaire. LSD. La série documentaire s'est terminée pour aujourd'hui. Et si vous voulez devenir ministre de l'Éducation nationale, bibliographie, lien, nous podcaster pour la réforme ou nous réécouter au cours d'éducation civique, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Demain, deuxième étape, parole de prof. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de notre partenaire, Tenk, une plateforme qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Il y a même une plage réservée aux documentaires audio. Et n'oubliez pas nos autres rendez-vous documentaires, Les Pieds sur Terre, Une Vie, Une Œuvre, Une Histoire Particulière et Création On Air.